Chapitre 4. Mieux vaut, dit le livre des Proverbes, être convié de bon cœur à un simple repas d'herbe que de mauvaise grâce à un festin de bœuf rôti. Osman n'était pas de l'avis du roi Salomon, car malgré la grise mine et les façons embarrassées de Raymond, il avait pris ses réponses évasives pour un bel et bon engagement. Fort de la ratification de Madame Clotilde et de M. La Tremblay, il se regardait comme un fiancé en titre et faisait sa cour avec ferveur. Raymonde, moitié par obéissance, moitié par désœuvrement, acceptait sans trop de rebuffade les hommages de son amoureux. Quand on vit dans un pays perdu où les adorateurs ne poussent pas précisément comme des champignons, il y a toujours une secrète douceur à se sentir adoré, même d'un homme qu'on n'aime pas. À 18 ans, à défaut de l'amoureux, on aime l'amour. On trompe son cœur comme on trompe sa faim, par toutes sortes de faux semblants. Raymonde se divertissait à sentir cette plaisante odeur qu'émane d'un cœur sincèrement épris. Si grossier que fût le vase, le parfum n'en fleurait pas moins agréablement, et ses délicates narines roses ne dédaignaient pas de le respirer de temps à autre. Elle accueillait les tendresses d'Osman de l'air bénévole d'une reine qui croit que tout lui est dû, sans se douter que ses sourires étaient considérés par Préfontaine comme autant de biais qu'il se promettait bien de présenter à l'échéance. Mais les filles coquettes, de même que les emprunteurs, croit que l'échéance n'arrivera jamais. Elle avait du temps devant elle, on lui avait promis de ne pas la presser, et le terme du mariage était dans un lointain si brumeux qu'elle le perdait de vue à chaque instant. Osman, au rebours, envisageait ce terme bienheureux comme une blanche statue souriante, solidement assise à l'extrémité d'une verte avenue dans laquelle il faisait un pas de plus chaque jour. Il prenait ses mesures en conséquence, et il avait déjà installé des ouvriers dans son pigeonnier de la Margelle, afin que la vieille demeure eût une physionomie plus gaie et que Raymonde y trouvât un nid convenable lorsqu'elle se déciderait à l'habiter. « Tout sera bientôt prêt et arrangé à souhait, » dit-il un soir à Madame Clotilde. « Je n'ai plus à m'occuper que d'une formalité indispensable ou plutôt d'une corvée, puisqu'elle me forcera à m'absenter pendant quelques semaines. Je vous ai parlé d'un vieil oncle qui habite à 40 lieues d'ici dans le Morvan. Je suis son filleul et son unique héritier, mais il a épousé sa gouvernante, une madré paysanne qui tirerait volontiers à elle toute la couverture si je n'y mettais le haut là. Aussi vais-je tous les ans à l'ouverture de la chasse passer 6 semaines avec le bonhomme. Il est quinteux, et si je ne lui soumettais pas tout d'abord mon projet de mariage, il serait capable de me jouer un tour dans son testament. Je vais l'aller voir, et je profiterai de ma visite pour lui demander son consentement. À mon retour, j'espère que nous fixerons le jour de la noce. » Raymonde apprit sans grand émoi la nouvelle de ce voyage. L'idée de vivre quelques semaines sans avoir Osman planté sans cesse à son côté ne lui parut pas trop insupportable. La veille du jour fixé pour le départ, elle n'en fit pas moins joyeusement sa chevauchée à travers bois, revint de bonne humeur, déjeuna de bon appétit, et pour jouir plus à l'aise des douceurs de la sieste, alla se reposer dans un hamac qui se balançait au fond du jardin à l'ombre de 2 vigoureux platanes. De là, elle voyait à 100 pas le ruisseau glissant comme une couleuvre entre les oseraies, puis les maisons du village dont les cheminées envoyaient toutes dans la même direction leurs colonnes de fumée. Les coqs se répondaient d'un bout de la rue à l'autre, les fléaux dans les granges battaient les gerbes alternativement. Plus haut, sur le grand plateau qui domine Vivet et où les dernières vagues de la forêt viennent expirer, les alouettes chantaient au-dessus des chaumes. La jeune fille suivait de l'œil leur va-et-vient. Elle montait en droite ligne dans le bleu, s'y perdait gazouillant toujours, puis se laissait tomber perpendiculairement et tout d'un trait. D'autres leur succédaient, la musique aérienne et berceuse ne cessait jamais. Les paupières déjà closes, l'esprit à demi submergé par le rêve, Raymonde savourait avec volupté ce moment délicieux qui précède le sommeil, où la réalité des objets s'efface, où il ne surnage plus des choses que la musique et le parfum. Elle entendait les alouettes lui chanter « Osman s'en va ». L'écluse du moulin répétait « Il part demain ». Et les cloches de midi semblaient ajouter « Bon voyage ». Puis ses yeux se fermèrent tout à fait, elle ne distingua plus rien et se plongea dans le sommeil. Elle rêva d'une longue allée, se prolongeant à travers une futaie de hêtres et de tilleuls. Tout au fond, Osman galopait sur son cheval pie. La bête et le cavalier ne formaient déjà plus qu'un seul point dans l'éloignement, et sans plus se soucier d'eux, Raymonde s'amusait à cueillir un bouquet parmi de hautes digitales qui semblaient tendre vers elle leurs corolles pareilles à des doigts empourprés. Tandis qu'elle composait sa gerbe, du milieu de la futaie une voix chantait, une voix mâle et caressante, forte et tendre en même temps. Elle était sous le charme. L'herbe paraissait plus verte, les odeurs plus pénétrantes, à mesure que s'élevait cette voix magique. Tout à coup, le galop du cheval, retentissant de nouveau, se rapprochait rapidement, et le rire d'Osmin, ce rire énorme et assourdissant, étouffait la voix de l'inconnu et rompait l'enchantement. Une pluie de feuilles de rose tombant sur son visage et sur son cou la réveilla en sursaut, et à peine ses yeux furent-ils entr'ouverts qu'elle aperçut Osmin debout devant elle et riant aux éclats. « La plaisanterie est mauvaise » s'écria-t-elle en frottant ses paupières alourdies avec le geste dépité et gracieux d'un enfant dont on interrompt le premier sommeil. « Y a-t-il longtemps que vous êtes là ?»« Un gros quart d'heure, » répondit-il. « Et vous ne disiez rien ?» reprit-elle, furieuse. Elle s'aperçut que sa robe, soulevée par le mouvement du hamac, laissait voir la naissance de ses jambes chaussées d'un fin bas de soie à rayures blanches et bleues. Son courroux redoubla, et ramenant précipitamment ses petits pieds sous sa jupe, « C'est une trahison !» continua-t-elle. « Regardez dormir quelqu'un, c'est aussi mal que d'écouter aux portes. Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillé sur le champ ?»« Je m'en serais bien gardé. Vous dormiez trop joliment. J'étais trop heureux de pouvoir vous admirer à mon aise. D'ailleurs, vous aviez l'air de faire un si charmant rêve. »« Point, » interrompit-elle, « je rêvais de vous. Vraiment ?» s'écria Osmin, trop enchanté de cette réponse pour discerner ce qu'elle avait d'impertinent. Il prit un siège rustique et s'assit près du hamac, de sorte que sa tête se trouvait de niveau avec celle de Raymond. « J'arrive de Langres, » ajouta-t-il, « et je n'ai pas voulu passer devant votre porte sans entrer. Songez que je pars demain, mademoiselle Raymond. Comme le temps va me durer là-bas près de mon ennuyeux parrain. « Est-ce que c'est lui, » demanda-t-elle ironiquement, « qui vous a gratifié du nom d'Osmin ?»« Nelly, » répondit-il, « ce nom est dans la famille depuis la troisième croisade. » Mon ancêtre, Huon de Préfontaine, étant prisonnier d'un musulman nommé Osmin, séduisit par sa bravoure la fille de ce mécréant. Elle lui proposa de le faire évader à la condition qu'il l'emmènerait avec lui. Mon aïeul était aussi pieux que brave, il refusa net, comme vous pensez bien, et le père, qui sut la chose, en fut si touché qu'il le renvoya sans rançon à la condition que le baron de Préfontaine et tous ses oirs à perpétuité donneraient leur aîné le propre nom de ce moricaud. « De sorte, » dit-elle en clignant les yeux, « que si vous avez un garçon, il s'appelle Osmin. Oh ça, jamais, par exemple !» Cette protestation indignée impliquait tant d'agréables hypothèses et faisait venir si délicieusement l'eau à la bouche du sire de Préfontaine qu'il se sentit prêt à abandonner lâchement toutes ces vénérables traditions de famille. « Il s'appellera comme vous voudrez, » répliqua-t-il, la mine épanouie, « tant pis pour le sarrasin. » Elle tourna brusquement de l'autre côté du hamac sa tête dédaigneuse et une légère nuance rose courut sur son teint blanc. « Mademoiselle Raymond, » continua le géant, posant sa lourde main sur le bord du hamac, qui se mit à osciller comme un pendule, « vous penserez un peu à moi quand je serai là-bas ?» Point de réponse. « Promettez-moi au moins de ne pas penser à un autre. » Le visage de la jeune fille se montra de nouveau entre les mailles du hamac, et elle regarda railleusement Osmin entre ses cils. « Qui sait ?» répliqua-t-elle. « J'essaierai peut-être de troubler le cœur du garde champêtre ou du maître d'école. » Ce pays-ci offre tant de ressources. N'importe, je ne dormirai pas tranquille. Vous êtes si séduisante et je le suis si peu. Aussi, balbutia-t-il en tirant de sa poche un écrin de velours grenat, je vous demande comme une grâce de porter mon absence ce bracelet que j'ai pris à Langres pour vous. Elle fit volte-face et ses yeux se fixèrent curieusement sur l'écrin entr'ouvert, qui laissa voir un porte-bonheur dont le cercle émaillé était orné d'une pensée avec ces mots « Pensez à moi ». Gravé en or sur les mailles noires. Le tout constituait un bijou d'un aspect lourd et d'un goût douteux. « Où avez-vous déniché cela ? » murmura-t-elle du bout des lèvres. « Il vous plaît, n'est-ce pas ? » s'écria le brave Osmin. « Permettez que je l'attache moi-même, et promettez-moi de ne plus le quitter. » Raymond tendit nonchalamment son bras. Il y agrafa le porte-bonheur, puis, s'inclinant vers ce bras blanc et potelé, il y mit respectueusement ses lèvres. « Maintenant, » soupira-t-il, « je retourne moins inquiet à la margelle. Demain, mon domestique me mènera avec Pigeot jusqu'à la Tresset, où je prendrai le train. Nous passerons devant la maison verte à 9 heures. Ne me ferez-vous pas un bout de conduite ?» Elle le lui promit, et il s'en alla demi-joyeux et demi-mélancolique. Le lendemain, quand le modeste équipage traîné par Pigeot tournait l'angle du moulin de Vivet, Préfontaine vit une jupe d'Amazone flotter entre les tilleuls de la maison verte et entendit le galop d'un cheval. Une demi-heure après, Raymonde et lui couraient de compagnie sur le chemin d'Auberive. Après avoir traversé le bourg, ils prirent la route qui suit le cours de l'Aube et parfois surplombe à pic au-dessus de la rivière. En cet endroit, l'Aube, encaissée entre des collines boisées, décrit de brusques circuits à travers un terrain bossué et pierreux. Au pied de l'un de ces tertres rocailleux, une forge abandonnée dresse la carcasse noircie de ses bâtiments en ruine et sur la plateforme du mamelon, une vieille maison basse, maussade, trapue et flanquée d'une tourelle carrée à deux étages, se profile sur le fond vert des bois en face de la route dont elle n'est séparée que par le profond encaissement de la rivière. Quand Raymonde et Haussmann arrivèrent en vue de cette habitation isolée, la jeune fille considéra la forge en ruine et la maison à tourelle dont la mine rébarbative faisait tache dans l'ensemble riant de la vallée. « Qu'est-ce que cette bâtisse ? » demanda-t-elle à Préfontaine. « Ça, c'est le chanois, » répondit-il. « Le propriétaire est un original nommé M. Noël, qui vit seul comme un hibou dans le creux d'un arbre mort. »« Le nid est fait à souhait pour l'oiseau, » dit dédaigneusement Raymonde. Et ils trottèrent de nouveau jusqu'à l'endroit où la route de l'Atrecet s'embranche dans la vallée de l'Aube et où la jeune fille prit congé de son fiancé avec une rapide poignée de main. Elle revint sur ses pas au galop, mais quand elle fut en face du chanois, elle s'arrêta pour examiner l'habitation dont la physionomie revêche l'avait frappée. Au même moment, un chien au poil fauve s'élança dans le jardinet qui précédait la maison et salua Raymonde par de longs aboiements rageurs. « Eh bien, vagabonde, à qui en as-tu ? » s'écria de l'intérieur du logis une voix grondeuse. « Ne pourras-tu jamais tenir ta langue ?» Et M. Noël, vêtu de sa redingote verdâtre, parut sur la terrasse. Dès qu'il eut jeté les yeux sur la route et aperçut l'Amazone chevauchant sur son cheval au poil bourru, il poussa à son tour un grognement. « Ah ah, tu l'as reconnu, toi ! Rancune de femme est plus vivace que Chardon et Ortie. Allons, rentre !»« Quand tu rondras, le passé est le passé, et mieux vaut n'y plus songer. » Vagabonde, le poil encore tout hérissé, lança un dernier aboiement sec dans la direction de la route et suivit en maugréant son maître dans la pièce du rez-de-chaussée qui servait à la fois de salle d'études et de cuisine. Cette salle, avec un retrait contigu transformé en bibliothèque et une chambre à coucher pratiquée dans la tourelle, composait toute la partie habitable du chanois. Le reste était abandonné aux rats et aux chauves-souris. Les petits carreaux verdâtres de la fenêtre encombrés de livres éclairaient mal le pavé disjoint. La haute cheminée noircie, la huche ventrue et l'horloge dans sa longue caisse de bois. Aux solives enfumées pendaient des bottes d'oignons, de jaunes épis de maïs et de longues franges de haricots desséchés dans leurs gousses entr'ouvertes. Un mince filet de soleil pénétrant par la porte entrebâillée jetait dans ce clair-obscur un long trait d'or jusqu'au bord de la table où M. Noël était en train d'éplucher des légumes. Le bonhomme n'avait pas de domestique. Il faisait lui-même son ménage et son lit et ne souffrait pas qu'une femme mît les pieds dans sa chambre. « Ces créatures-là, disait-il brutalement, n'apportent dans un logis que des puces et de mauvaises raisons. » Une vieille fermière du voisinage avait seule l'autorisation de venir tous les 8 jours déposer sur la huche le pain et les provisions de la semaine. M. Noël se chargeait du reste, et pour le quart d'heure, il était occupé à préparer son pot-au-feu. Pendu à la crémaillère, la marmite commençait à chanter sur les tisons, et un corbeau apprivoisé surveillait l'ébullition de l'eau en sautillant devant les chenets avec de comiques dodelinements de tête. Ce corbeau était l'une des constantes préoccupations de vagabonde. La chienne et lui vivaient sur le pied d'une paix armée, se tolérant mutuellement mais ne cessant de comploter chacun en son par-dedans de petites niches machiavéliques à l'adresse du confrère. Pour le moment, le corbeau lorgnait un morceau de pain sec tombé au pied de M. Noël et il s'en était approché en tapinois. Déjà, il le secouait dans son bec avec des mines voluptueuses, quand la chienne, qui feignait de dormir, se précipita d'un bond sur le crouton, le couvrit de ses 2 pattes de devant et s'accroupit en répondant par des grognements sourds aux coups de bec désespérés de Maître Corbeau. « Est-ce fini ? » cria M. Noël impatienté. « Engeance hargneuse et jalouse, tu as tous les défauts de tes pareils. Leur malicieuse carcasse héberge tour à tour les 7 péchés capitaux. Tu détestes le pain sec, tu ne le mangeras pas. Mais tu t'en moques, pourvu que tu fasses le mal d'autrui, mauvaise bête. » Il lui arracha le croûton des pattes et le porta lui-même au corbeau qui s'était réfugié sur la huche. Au même moment, la porte fut poussée par une main robuste et le garde général Verdier parut sur le seuil ensoleillé. Le vieux forestier s'avança rayonnant, comme s'il eût emporté avec lui un lambeau du rutilant soleil qui flambait au dehors. « Bonjour, monsieur Noël, » s'écria-t-il en agitant une lettre au-dessus de sa tête. « Bonne nouvelle, notre Antoine arrive !» Le bonhomme répondit par une exclamation joyeuse. « Les bonnes nouvelles sont des oiseaux rares, » dit-il sentencieusement. « Surtout pour moi. Mais celle-ci me ragaillardit. Je vais donc le retrouver, grand garçon, et déjà un maître homme. Savez-vous que voilà 7 ans que je ne l'ai vu ?»« Eh oui, 7 ans, c'est un long bail quand on n'a qu'un enfant. À la maison, on languissait aussi après lui, et quand j'ai annoncé la chose à la ménagère, elle a failli se pâmer. Depuis hier soir, elle est comme une poule qui a perdu ses poussins, allant évidemment de la cave au grenier et mettant la maison à l'envers pour installer son Antoine. « la lettre !» s'écria M. Noël avec impatience. « Voyons son style à ce savant. »« Voici, » reprit Verdier, ayant au préalable ajusté des lunettes sur son grand nez maigre. « Mon bon père, je puis enfin disposer de 3 mois et je vais vous les donner tout entier. Avant 8 jours, je serai au pays. Je me fais une fête de vous embrasser à mon aise et de revoir ma maison, mes bois, toutes ces bonnes choses qui me manquent depuis si longtemps. À la seule idée du voyage, je danse dans ma chambre comme un enfant. J'ai besoin de me tâter le menton et de sentir ma barbe pour me rappeler que je suis maintenant un garçon sérieux. 7 ans sans vous voir, sans respirer l'air de notre forêt, savez-vous que c'est dur ? Et pourtant, je ne regrette pas ce temps-là, puisqu'il m'a permis de travailler, à devenir un homme et à vous donner un peu de satisfaction, à vous tous, qui vous êtes donné tant de peine pour moi. Quand je parle de vous, j'y comprends aussi, mon cher maître, monsieur Noël. N'est-il pas de la famille ? Allez lui annoncer mon arrivée, et sondez-le adroitement ainsi que ma mère, pour savoir ce que je pourrais leur apporter de Paris, qui leur fit plaisir. « Bigre ! » murmura M. Verdier en s'interrompant. « J'aurais dû sauter cette ligne-là. Adieu la surprise !»« C'est bon, » grogna M. Noël. « Répondez-lui que je n'ai besoin de rien. » Il passa le dos de sa main sur ses paupières et parut furieux de les sentir humides. « Cette maudite cheminée ne tire pas, » reprit-il. « Et la fumée vous pique les yeux. Ne trouvez-vous pas, Verdier ?» Il détourna la tête et aperçut la chienne qui avait volé de nouveau le crouton de Maître Jacques. « Ah, mauvaise, tu n'as pas voulu avoir le dernier, et tu es venu à tes fins. »« Toutes les mêmes, monsieur Verdier, toutes les mêmes. »